sentir trop marre d'avoir des petites pétales qui la vend, qui pétale, frangin, c'est pas mes affaires. Ce qui m'intéresse, c'est que plus tard, je veux pas que mes fils tout ça. Freine, dit à mon père, je suis un homme, faut pas qu'il s'inquiète. Je suis en Espagne sur mon balcon, la vue qui part du 5ème au Zague. Je vois tout per la vida de mi madre, même si je vois d'où t'inquiète là-bas, les cadres. Réalicar en pleine tête, serre un verre de whisky, hypocrite. Je viendrai sur ta tombe et je dirai des mesquines. La vengeance se mange froide, au congèle depuis mardi. Je suis tellement chaud qu'on corps sert de jacuzzi dans l'Arctique. Anatole, vieux sort, la crime, les sorts, on s'en tape. Désordre, 9-4, trésor, j'ai sort les billets sales de la machine à laver. On avait bavé les banques, les billes, ok, je suis navré. Je suis partisan d'une vie simple, X5, nique sa mère. Je veux les dessins, j'avais ni pute, ni sainte, ni 5. Je t'allume chez moi, les jeans se baladent. Malade, alarme qui sonne la nuit, c'est ma life. C'est mon butin que je viens partager. 6 du mat, je fais un footing sur les plus belles plages d'Alger. Autour de la rue, pour moi y'a trop de thèmes. Philippe, je suis désolé, mais je crois que je suis tombé grand thème. Je le sais très bien, qu'ils veulent m'atteindre. Du mal à le croire, mais je suis plus désiré que leur mère l'atteinte. Qui est hors pair, je ne suis pas leur père. L'or ne perd pas sa valeur, donc je n'ai pas besoin de leur plaire. J'ai la dégaine de Franck Lucas, le fric je le prends, je me casse. Les gens changent comme Newcastle, dans le cul t'as besoin d'efficace. La crime est gangster, ils galèrent dans les étoiles. On sait que toi, t'es bon car on garde des pouces et des poils. Et les petits branleurs, je ne peux pas blairer ça. Manque de thunes, des alcooliques qui courent après le RSA. On récolte ce que l'on sème. Qui se ressemble, ça semble. On sème trois jours après, on sait les tâches. Bien la sangle menaçant, je le suis pas. Si je te fume, je mets la cagoule. Faut qu'un coup, calibre pour que tu finisses comme Melika. Coup, j'ai le cœur plus gros que le ventre. Ma faute, ma race, la pute. Faut que je les bute, les empute. Par principe, pas le moindre pute. Je suis partisan d'une vie simple. X5, nique ça. L'air, je veux les essences. J'avais ni pute, ni sainte, ni 5. Je t'allume chez moi, les jeans se baladent. Malade, alarme qui sonne la nuit, c'est ma life. C'est mon butin que je viens partager. 6 du mat, je fais un footing sur les plus belles plages d'Alger. Autour de la rue, pour moi y'a trop de thèmes. Philippe, je suis désolé, mais je crois que je suis tombé grand thème.